Grand 3, le monde. Premièrement, une ville d'été. J'étais venu à Newport pour quelques jours. J'y suis resté tout un mois, me laissant vivre de cette vie qui n'a pas son analogue en effet, du moins à ma connaissance. Ni Deauville, ni Brighton, ni Biarritz ne lui ressemblent, ni même Cannes. Quoique cette dernière en approche par la somptuosité de ses villas et par l'absence presque totale de petite bourgeoisie. Mais Cannes est une cosmopolite comme Rome, comme Florence, davantage peut-être, au lieu que Newport demeure exclusivement, absolument américain. Quelques visiteurs d'Europe l'ont traversé cette année, en route pour Chicago et la World Fair. D'habitude, c'est par 6 ou par 7 qu'ils se comptent. Les Français ignorent Newport. Les Anglais y viennent par goût de Yulching. Peu d'Anglais. Tous préfèrent l'île de Wight avec Coves et la commode rivière du Solent. Cette rareté des voyageurs, explicable par l'éloignement et par la brève durée de la saison, assure à cette ville de bain de mer un irréductible caractère d'originalité nationale. Non, cette coterie élégante, ou, comme disent avec mépris les détracteurs de Newport, ce set n'est pas l'Amérique, mais c'est son monde. Et la vie mondaine, si vide, parastelle et si factice, tient toujours par de profondes fibres secrètes au pays dont elle est la fleur, quelquefois insipide, plus souvent empoisonnée. Même quand les mœurs du monde, comme en France, sont totalement différentes des mœurs générales du pays, elles manifestent chez ceux qui les pratiquent les défauts et les qualités d'esprit propres à la race. Les oisifs s'amusent, ou cherchent à s'amuser avec la même sensibilité, le même caractère, la même intelligence que les laborieux apportent à leur besogne. Dans la haute existence parisienne, par exemple, vous retrouvez, appliquée aux arts, au luxe, à la débauche, toutes les puissances et toutes les faiblesses de l'âme française. L'extrême vivacité de pensée et son inconsistance, une prodigieuse désillusion de critique et des naïvetés inattendues d'enthousiasme, une hardiesse forcenée d'ironie et l'esclavage devant l'opinion, de l'humanité aussi. Je ne sais quoi de moyen comme un air de bon goût même dans le désordre et de bon sens même dans la folie, de l'agrément par-dessus tout, ce génie de sociabilité qui flotte dans l'atmosphère de nos clubs, de nos salons, de nos restaurants, de nos théâtres, de nos promenades. La nature d'un peuple demeure toujours pareille à elle-même dans ses vices et dans ses vertus, dans ses frivolités et dans ses travaux. C'est cette physionomie qu'il s'agit de découvrir. Et tout document y est bon, depuis une salle de casino jusqu'à une église, et le papotage d'une femme à la mode comme les propos d'un ouvrier révolutionnaire. Je suis donc bien sûr que cette âme américaine, l'intérêt véritable et la grande raison de mon voyage, transparaît derrière les faces de Newport, pour qui c'est la voir. Mais ai-je su la voir? En tout cas, voici tout un lot de notes prises sur le vif et en réponse aux toutes premières questions qu'une enquête sur des gens du monde doit se poser. Comment se logent-ils et se meublent-ils? Comment se recrutent-ils? Comment s'amusent-ils? Comment causent-ils? Les hypothèses plus générales viendront ensuite, si elles doivent venir. Comment ils se logent? Des villas séparées les unes des autres, et cependant presque à même la route, avec du gazon très vert, très épais, et de sveltes grues de bronze debout sous des arbres parmi des massifs bleus d'hortensia, des portiques devant ces villas, autour desquels frissonnent de la vigne du Japon, ce lierre improvisé qui ne dure pas comme l'autre, mais qui se fane à chaque saison, symbole gracieux de cette instantanéité américaine incapable d'attendre. 20, 30, 40 types divers de construction, presque autant que de demeures, les unes carrées et comme écrasées, d'autres minces et hautes, d'autres minces et longues, toutes avec des fenêtres à guillotine et qui bombent, presque toutes avec un revêtement de bois vernissé, qui leur met comme une gaine sombre et claire d'élégante propreté. Et c'est ainsi indéfiniment sur Bellevue Avenue, sur Narragansett, sur toutes les allées de ce Newport nouveau, celui que la fantaisie des millionnaires a construit sur la falaise en quelques années. L'endroit semble à la mode presque d'hier. Et pourtant une autre ville, la vraie, descend là-bas vers le quai, avec ces petites maisons de bois clair qui gardent leur grâce. Elle raconte un Newport plus bourgeois, plus intime, celui des vieilles familles de New York et de Boston qui ont précédé l'invasion des millionnaires. On aime à imaginer par derrière ces maisons plus simples un troisième Newport plus lointain encore, et ces cabanes primitives, rustiques abris fragiles, que le colon devait se bâtir de ses mains dans ce pays de forêt avec des pousses mal équarries et des lattes mal jointes. Même aujourd'hui, les bâtisses de pierre sont rares aux États-Unis. C'est la brique et c'est le fer qui succèdent au bois. L'exploitation des carrières et la taille des blocs voudraient trop de temps, trop de main-d'œuvre. entre ce vieux Newport qui continue de vivre bourgeoisement, paisiblement, tout l'hiver, et l'autre, le Newport actuel des mois d'été, fashionable et momentané, pas d'intermédiaire. Rien qui révèle une ébauche première et continue, des essais corrigés, des prises et des reprises, un accroissement progressif de la vogue. Ce même à-coup de volonté qui a dressé les palais de la 5e avenue à New York, presque à la façon de la lampe d'Aladin, a créé dans un éclair de miracle ce quartier des cottages. Toute la différence est dans les complications d'architecture, où se sont acharnés les riches d'entre les riches, ceux qui ont voulu dépasser les autres. C'est ici que cet esprit de go ahead, propre à l'Amérique, se reconnaît, à des magnificences de construction bien significatives, lorsqu'on songe que ces demeures servent pour 6 semaines, pour 2 mois de l'année peut-être, et que chacune suppose comme accompagnement habituel des chevaux et un coach, de quoi mener à 4 un yacht, quelquefois 2 pour croiser à la voile ou à la vapeur le long de la côte, un wagon privé pour être chez soi, sur toutes les lignes de chemin de fer, une maison à New York et une autre maison à la campagne. Celui-ci a beaucoup vécu en Angleterre, et il lui a plu d'avoir à lui, sur une des pelouses de Rhode Island, une abbaye anglaise, dans le style de la reine Élisabeth. La voici qui se dresse, grise et sévère, si exacte, si complète, qu'elle pourrait être transportée à Oxford, sur les bords de l'Isis ou du Cherwell, sans qu'on eût à changer une seule pierre pour faire d'elle la sœur du cloître de New College ou de la façade de Jésus. Cet autre aime la France, et il lui a convenu de posséder en vue de l'Atlantique un château de la Renaissance française. Ce château est là, qui vous rappelle Azay, Chenonceau et la Loire, avec le paresseux, le clair ruban de son eau, noué, dénoué, renoué autour du sable jaune des îles. Un troisième a édifié un palais de marbre, semblable à Trianon, avec des pilastres à chapiteaux corinthiens, larges comme ceux du Temple du Soleil à Balbec. Et ce ne sont pas des à peu près de ces prétentieuses et insuffisantes tentatives qui font le ridicule par tout pays, des glorieux et des parvenus. Non, le détail et son fini décèlent l'étude consciencieuse, le souci technique. Visiblement, le meilleur artiste a été choisi. Il a eu la liberté et il a eu l'argent. L'argent surtout. De pareils caprices en supposent une telle quantité qu'après une promenade de cottage en cottage et de château en abbaye, vous éprouvez l'impression à demi fantastique d'une visite à quelque île consacrée au dieu Plutus, devenu dans la plus moderne de ses incarnations le dieu de l'art. Mais c'est un Plutus qui s'asseyait hier encore au foyer de Peña, la sauvage déesse de la pauvreté. Un Plutus que ni les richesses, ni les voluptés n'ont énervé, ni alangui. Un Plutus qui, n'ayant plus à travailler, veut que son or travaille, que cet or se montre, s'étale, qu'il show off, pour prendre le mot vraiment yankee. Et cet or se montre tant, il s'étale avec une si violente intensité que cela vous saisit comme le déploiement d'une puissance. Flaubert écrivait à un de ses élèves, « Si vous ne pouvez pas construire le Parthénon, dressez une pyramide. » Ce conseil brutal mais fort, tous les Américains semblent se le répéter d'instinct avec d'autres paroles. De même que dans le port et dans les rues de New York, tant d'activités terrassent, dans ces avenues de Newport, tant de richesses étonnent. Elles vous révoltent ou elles vous ravissent, selon que vous êtes plus voisin du socialisme ou du snobisme. L'observateur désintéressé qui regarde une ville, comme il regardait une fourmilière, y reconnaît ce même fait observé dès la première heure, un je ne sais quoi d'intempérant et d'effréné. Le génie américain semble ne pas connaître la mesure. Les bâtisses d'utilité que ces gens construisent, quand elles sont hautes, sont trop hautes. Leurs maisons de plaisance, quand elles sont raffinées, sont trop raffinées. Leurs trains, quand ils vont vite, vont trop vite. Leurs journaux ont trop de pages, trop de nouvelles, et quand ils se mettent à dépenser de l'argent, il faut qu'ils en dépensent trop, pour avoir la sensation qu'ils en dépensent assez. Comment ils se meublent? J'ai dans les yeux, en écrivant ces mots, 30 intérieurs de ces villas. Davantage peut-être. Dès la semaine de mon arrivée, et sur la remise de mes lettres d'introduction, j'avais commencé d'être entraîné dans ce tourbillon de déjeuner, de parties de coach, de promenades en yacht, de dîners et de bals qui passent sur Newport pendant quelques semaines, à la façon d'un de ces ouragans qui faisait dire à une jeune fille de Minneapolis vantant sa ville « Et puis nous avons de si bonnes caves à cyclones. Be in the rush », affirme une réclame affichée dans le car électrique qui fait le service de la plage à la ville basse. La recommandation d'une levure spéciale accompagne cet éloquent appel. Ce « soyez dans le train » que les Américains vous forcent bien vite à pratiquer. Leur énergie s'étend jusqu'à leur hospitalité qui se fait active, qui multiplie les 5 o'clock teas et les 2 meet. C'est une chaude spontanéité d'accueil, dont nous ne nous doutons plus en pays latin. L'étranger chez nous est à la mode lorsqu'il s'établit et qu'il nous fait l'honneur de préférer notre pays au sien. Pour celui qui passe et qui ne reviendra pas, nous mettons du temps à vaincre une certaine défiance, et nous ne passons qu'à bon escient de la politesse correcte à l'intimité. L'Américain vous ouvre sa maison, quand vous lui êtes dûment présenté, toute grande. Il veut que vous connaissiez ses amis, que tout son monde vous traite comme il fait lui-même. Ses détracteurs disent qu'il n'y a pas de mérite, qu'il est habitué à cette large manière d'exister commune aux pays anglo-saxons, où les enfants sont nombreux, les besoins compliqués, les revenus en proportion, où l'on ignore l'économie. Un hôte de plus ne compte guère dans une telle demeure. Cela est vrai. Ici pourtant je crois apercevoir des sentiments plus complexes que cette sorte d'opulence et d'indifférente ouverture des portes qui reste aussi celle des riches levantins. L'Américain qui vit si vite a au plus haut degré le goût de se regarder vivre. Il semble qu'il se considère, lui et son entourage, comme une expérience singulière de la nature sociale et dont il ne sait pas très bien ce qu'il doit penser. Il tient à ce que vous, Européens, vous soyez exactement renseignés avant de juger cette expérience. Et il vous félicite ce renseignement. « Voyez telle ou telle personne, vous dit-il, c'est un type excellent d'Américain de telle ou telle espèce. Lisez tel livre, vous y trouverez un vrai caractère d'Américain de tel état. » S'il sait que vous voyagez pour prendre des notes, il s'en inquiète, car il est sensitif, « touchy », comme ils disent, au plus haut degré. En même temps, il s'en félicite comme d'un hommage. Il veut que ses notes soient écrites d'après nature. S'il voit en vous un simple touriste, il tient à ce que vos discours, une fois rentrés, soient différents des légendes erronées, dont il trouve la trace dans nos journaux, et qu'il l'exaspère. Il y a un curieux mélange d'incertitude et de fierté, d'amour-propre susceptible et d'aplomb dans le plaisir qu'il éprouve à vous conduire d'une extrémité à l'autre de sa demeure, vous montrant pêle-mêle la galerie de tableaux et la lingerie, les salons et les chambres à coucher. Un des meilleurs romanciers d'ici, Howells, a finement noté ce trait particulier de caractère. Cette facilité à se donner comme leçon de choses. Nous autres gens de l'Ouest, dit Marsh, dans le hasard d'une nouvelle fortune, nous sommes portés à nous prendre nous-mêmes trop objectivement et à nous considérer comme plus représentatifs qu'il ne faudrait. En attendant, et pour un voyageur dûment présenté, cette disposition d'esprit facilite la moitié de la tâche. Il est si malaisé en Italie, en Espagne, en France même, de se figurer le home des personnes que l'on connaît le mieux, et quel témoigne plus révélateur pourtant que ces objets secrétés autour de nous par notre fantaisie. Un salon, une chambre à coucher, une salle à manger, n'ont-ils pas des physionomies, presque des visages, à la ressemblance de nos goûts, de nos besoins, de choses de nous que parfois nous ne soupçonnons point. Des intérieurs de Newport, une première impression se dégage, qui doit être exacte tant elle se raccorde au reste de l'existence américaine, et au dehors même de ces villas. C'est à nouveau l'évidence du trop, de l'abus, de l'absence de mesure. Il y a trop de tapis précieux de Perse et d'Orient, sur le parquet des halls, qui sont trop hauts. Trop de tapisseries, trop de tableaux garnissent les murs des salons. Les chambres d'amis renferment trop de bibelots, trop de meubles rares. Comme il y a sur la table du lunch ou du dîner trop de fleurs, trop de verdure, trop de cristaux, trop d'argenterie. Je revois en ce moment, au milieu d'une de ces tables, un vase d'argent massif, large et profond comme le cache-pot d'une plante grasse, et d'où débordait une grappe de raisin, d'un raisin prodige, au grain aussi gros que de petits boulets. Je revois un paravent fait avec un tableau italien de l'école des Caraches, coupé en trois morceaux. La toile n'a pas été gâtée, et le travail a été très bien exécuté. Mais quel symbole de cette constante outrance dans le luxe et dans le raffinement! Cet excès à son image dans cette rose qu'il dénomme si justement « American Beauty » et dont les touffes énormes couronnent ses tables. Elle est si haute sur sa tige, si intensément rouge, si largement épanouie, si violemment parfumée qu'elle n'a plus l'air d'une fleur naturelle. C'est un produit qui appelle la serre, l'exposition, l'étalage. Splendide comme elle est, on se prend à regretter devant elle la mince églantine des buissons avec ses pétales rosés, qu'un souffle de vent froisse. Mais cette modeste églantine, c'est la nature, et c'est aussi l'aristocratie, du moins dans le sens où nous autres Européens, nous comprenons ce mot, qui ne va pas pour nous sans une idée de demi-teinte et d'effacement. Il est certain que cet abus révèle chez ces gens-ci une force beaucoup plus pareille, sous des formes diverses, à la Renaissance par exemple, que la pauvreté de tempérament déguisé par les modernes en distinction. La vigueur du sang et des nerfs, qui a permis à l'homme des États-Unis la conquête de la fortune, persiste en lui à travers cette fortune. Elle se manifeste par cette somptuosité du dedans, comme elle se manifestait par celle du dehors. Il y a de la sève partout ici, et jusque dans ces prodigalités folles de la haute vie. Cependant, ces millionnaires ne s'acceptent pas eux-mêmes tout à fait. Voilà une seconde impression qui impose un coup d'œil plus attentif sur ces halls et sur ces salons. Ils n'admettent pas qu'ils soient ainsi différents du vieux monde, et s'ils l'admettent, c'est pour prétendre qu'ils sont capables, quand ils le veulent, d'égaler ce vieux monde, ou tout au moins de le goûter. Un architecte me disait « Nous avons fait assez d'argent pour être artistes maintenant, et nous n'avons pas le temps d'attendre. Ainsi, moi, j'étudie le XVIIIe siècle français. Je veux bâtir des maisons qui soient de ce type, avec tout le confort moderne, des appareils pour l'eau, pour la lumière, pour l'électricité. » Son patriotisme était très sincère, très intense, et il le faisait consister dans l'emprunt, ou mieux la conquête d'un style étranger. Les ameublements de Newport traduisent un effort pareil, un constant, un infatigable souci d'absorption européenne. On compterait dans ces villas les objets fabriqués en Amérique. C'est en Europe qu'était tissée la soie de ces fauteuils et l'étoffe de ces rideaux. En Europe que cette table a été tournée et tournée cette chaise. C'est d'Europe que vient cette argenterie, de même que cette robe a été tramée, coupée, cousue en Europe, que ces souliers, ces bas, ces gants viennent d'Europe. When I was in Paris, then we go to Paris. We want to go to Paris to buy our gown. Ces phrases passent continuellement dans la conversation. Et c'est bien un salon de Paris qui a dû servir de modèle à celui où vous vous trouvez. Ces toilettes sont bien composées sur le même patron que celles des élégantes de Paris. Seulement, salon et toilettes ont, comme le reste, je ne sais quoi en trop. La mode de ces robes n'est pas d'aujourd'hui, elle est de demain. Nos couturières ont un mot d'argot bien expressif pour traduire cette presque intraduisible nuance. Elles disent « Nous essayons d'abord, sur les étrangers, les coupes nouvelles. Puis, pour les parisiennes, nous épurons. » Ainsi s'explique ce caractère d'au-delà, cette air d'être paré jusqu'au costume que ces femmes souvent si belles augmentent par des profusions de bijoux portés en plein jour. Elles ont des midi, des turquoises à leur corsage, grosses comme des amandes, des perles au cou grosses comme des noisettes, des rubis et des diamants longs comme leur ongle. Oui, c'est bien l'Europe, mais poussée, mais exaspérée, et cette imitation trop intense ne fait qu'accentuer la différence entre le vieux monde et le nouveau. Parmi les fantaisies de décoration ainsi empruntées à nos pays, il en est une qui se transforme d'une façon singulière, en passant l'Atlantique. Je veux parler de ce goût des vieilles choses, justement de cette manie du bibelot et du bric-à-brac propre à notre âge. Elle est devenue haïssable chez nous parce que l'universelle surenchère a tant haussé les prix que très peu de nos fortunes européennes sont aujourd'hui assez fortes pour y suffire. La contrefaçon a suivi et surtout l'abondance d'objets de seconde classe. Les Américains, eux, sont arrivés sur le marché avec leurs énormes capitaux. Un millionnaire chez nous est un homme qui a 1 million de francs. Un millionnaire ici est un homme qui a 1 million de dollars. Ils y ont apporté cette universalité de connaissances que donne l'habitude constante du voyage. Depuis 30 ou 40 ans, grâce à ce double pouvoir, ils ont mis la main sur les plus belles toiles, les plus belles tapisseries, les plus belles boiseries, les plus belles médailles, les plus beaux livres. Et non seulement en France, en Angleterre, en Hollande, en Italie, mais en Grèce, en Égypte, aux Indes, au Japon. De là, dans leurs maisons de ville ou de campagne, une prodigalité de chefs-d'œuvre dignes d'un musée. Dans telle de ces villas de Newport que je pourrais nommer, toute une galerie privée a été transportée d'un coup que son premier possesseur avait mis des années à ramasser, parmi les plus délicats des primitifs allemands. Et il continue. J'entendais l'autre jour un amateur dire avec mélancolie, en faisant allusion à la crise financière qui se trouve sévir à la fois en Italie et aux États-Unis, « The Italians are rather low down just now, and there are things to be had sub rosa. But in this moment, nobody can profit by it. » On se demande où il les mettait, ces objets italiens, tant le cuir de cordoue dont sont revêtues les parois de sa maison disparaît sous les toiles. Et ce sont des vitrines sous lesquelles des trésors de pierres gravées attendent la loupe, des émaux, des armures ciselées, des volumes précieux. Des médailles, des portraits surtout. Rien que dans 3 villas contiguës, à 1/4 d'heure de distance, j'ai vu ainsi un portrait d'un grand seigneur génois, celui d'un amiral vénitien, celui d'un lord anglais du dernier siècle, celui de Louis XV par Vanloo, avec cette inscription donnée par le roi. Celui de Louis XIV par Mignard, avec la même inscription. Celui de Napoléon avec un des drapeaux, des grenadiers de la garde. Quelqu'un qui ne les aime pas me disait avec ironie, « Oui, ils ont le portrait du grand empereur, mais où est celui de leur grand-père ?» Et il attribuait ce coup d'étoiles historiques à un vague et timide effort, faire une fausse galerie d'ancêtres. À mon avis, cette critique ne tenait pas compte de ce qu'a de sincère, de touchant presque, cet amour des Américains pour les objets autour desquels ils flottent du temps et de la durée. Cette sensation si difficile à concevoir pour nous autres, et que mon compagnon des Players m'exprimait naïvement à New York, je la comprends. je la partage avec ces quelques semaines des États-Unis. Le regard éprouve une satisfaction presque physique à rencontrer ici les tons flétris d'une peinture ancienne, le coin effacé d'une monnaie antique, les nuances éteintes d'une tapisserie du Moyen-Âge. Dans cette contrée, où tout date de la veille, on a des appétits, des soifs d'un autre fois. Il faut croire que c'est un indestructible instinct pour l'âme humaine d'avoir autour d'elle du passé, puisque même ces comblés du luxe le subissent. Ils ne le discernent pas en eux-mêmes, cet instinct, mais ils le satisfont tout de même. Un d'eux faisait la semaine dernière détourner sa voiture pour me montrer la statue d'un Newportais qui a été l'ami de son grand-père. « On aime à penser à des temps déjà lointains, me disait-il. Ce besoin du terreau préalable, un arbre le ressentirait qu'on aurait transporté dans un coin trop nouveau, avec des racines trop à fleur du sol. » Cet inconscient effort, pour s'entourer, pour s'ennoblir de passé, sauf ce que ces intérieurs des millionnaires auraient de si brutal, de si fait à coups de dollars et pour la montre. C'est un peu de poésie inattendue dans ce qui ne serait sans cela que l'apothéose du chèque et du chic. Pour reprendre une basse plaisanterie d'une basse opérette du temps jadis, cela console de voir, échouer là parmi ces magnificences, quelques cocasseries inexprimablement vulgaires et enfantines. Tels qu'un monstrueux jouet, une danseuse à face de lune, à monocle, à chapeau haut de forme, et en travesti, qui fume une cigarette allumée, tandis qu'une boîte à musique cachée dans son corps joue un air canaille. Et il y a écrit au-dessous, pour la honte des écrivains qui ont les premiers employé ce terme, fin de siècle. Quelle mosaïque dans le goût de cette race qui prend pêle-mêle de tout à notre civilisation, de l'excellent et du pire, nos plus belles œuvres d'art et nos plus déplorables caricatures.